Jérôme, c'est drôle, hein? On parle souvent de prostitution à Québec. Et on l'a traité pratiquement à tous les niveaux, le phénomène de la prostitution. Puis on a eu l'histoire de la prostitution juvénile à Québec. Puis une phrase qui revient souvent, c'est que le nerf de la guerre à ce niveau-là, c'est le client. Client qu'on néglige souvent dans les actes d'accusation. Oui. Client dont on se fait une idée entre nos deux oreilles. Tu sais, quelqu'un qui a recours à la prostitution... De quoi ça a l'air? C'est quoi sa vie? On a une idée ou un préjugé qui est quand même assez solide concernant... Le voyez-vous dans votre tête? Sérieusement, fermez vos yeux là. Je vous dis, homme qui a recours à des prostituées. Vous le voyez dans votre tête, hein? Probablement qu'on voit un portrait qui se ressemble beaucoup. Mais j'ai de la misère à tout mélanger, moi. Moi, un gars, je sais pas, moi, d'une quarantaine d'années, qui se paye une escorte de 25-30 à un soir, quand il est à l'extérieur. Moi, je le ferais pas, mais je te dirais que... J'ai de la misère à me scandaliser. Par contre, un crotté de 55 ans qui se paye une petite fille de 14 ans, ça m'écœure et pas à peu près, là. Pas à peu près, là.